sont cyniques, alors ils font de la politique. On est tous sa folie chimique. On est tous fruits d'agonie ludique, issus d'une cacophonie phallique, en polyphonie thermodynamique. On est tous énergie cyclique. On est tous des copies uniques, pathologie mégalégothématique, en polychromie. Oh.